La matrice, les égrégores planétaires et la grille éthérique universelle sont deux choses. La matrice, c'est les égrégores planétaires. Est-ce qu'ils sont gérés? Vous voulez parler de quel? Je sais pas. Il y a de quoi qui accroche pour moi là-dedans. La matrice. L'affaire, j'ai bien de la misère avec ça. Ces termes-là, ça me fait pas vibrer. C'est quoi une matrice? Une matrice, là, c'est un réceptacle où la vie se forme. C'est une matrice. Donc, j'ai de la difficulté avec ces termes-là que nous ont apporté un cinéma que je n'aime pas. C'est parce que vous, là, vous entendez ce terme-là au niveau d'une culture populaire de matrice. Une matrice, c'est pas ça, là. Une matrice, c'est quelque chose qui donne naissance à autre chose, quelque chose d'englobant, un peu comme une chrysalide, c'est une matrice. Donc, ça dépend le sens qu'on donne à ça, là. Vous parlez d'une sorte de prison en fait de subjectivité collective. Parce que si on se réfère à ce genre de le cinéma, là, La Matrice, qui est un film que j'ai jamais été capable de regarder, parce que ça faisait passer dans la culture populaire ce terme-là comme faisant référence à un monde artificiel.